9-16, activation orale, faire du sport, jouer à un jeu. Répondez selon les exemples. Utilisez jouer toutes les fois que c'est possible. Par exemple, vous entendez. 1. Vous aimez le tennis? Et vous répondez. Oui, je joue au tennis. Parce que le tennis est un jeu. Vous entendez. 2. Vous aimez l'alpinisme? Et vous répondez. Oui, je fais de l'alpinisme. Parce que l'alpinisme n'est pas un jeu. 3. Vous aimez le ski? Oui, je fais du ski. 4. Vous aimez l'escrime? Oui, je fais de l'escrime. 5. Vous aimez le football? Oui, je joue au football. 6. Et le cheval, vous aimez ça? Oui, je fais du cheval. 7. Robert aime le basket? Oui, il joue au basket. 8. Il aime le patin à glace? Oui, il fait du patin à glace. 9. Et la moto, il aime ça? Oui, il fait de la moto. 10. Est-ce qu'il aime le vélo? Oui, il fait du vélo. 11. Est-ce qu'il aime la planche à voile? Oui, il fait de la planche à voile. 12. Est-ce qu'il aime les échecs? Oui, il joue aux échecs. 13. Est-ce que Mireille aime les dames? Oui, elle joue aux dames.